Thank you. marcheur saisit le fil de la plainte, saisit le fil de la d'un aigle à deux têtes, il accélère sa course vers le corps. Il accélère sa la vallée fait alors claquer ses vents, le temps empêche le pas. Un tapis de chardon ardent entoure la naufragée. Un tapis de chardon ardent. Une colonie de macaques vengeurs hurle la mélodie de la terreur. Thank you. Quelques traces d'une ancienne trace, ont marqué la couleur de mon corps.